I said

bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, ou rebonsoir pour ceux qui nous ont déjà écoutés tout à l'heure. On était dans l'émission à Manu, donc il y avait plusieurs invités, et donc on a eu déjà l'occasion de discuter un petit peu ensemble. Donc ce soir, aujourd'hui, donc c'est le vendredi 30 décembre, donc ça sera la dernière émission de l'année 2022, et c'est l'émission numéro 534, puisqu'on est ensemble déjà depuis 2010, donc le début de la première émission de Mavrika. Alors, on est ensemble pour écouter de la bonne musique, hein. On a la radio jusqu'à 22h, hein, comme d'habitude. On pourra dépasser quelques minutes si vraiment on a encore quelques morceaux à écouter. En tout cas, je vous ai préparé plein de choses qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Pourquoi ? Parce que on a fait déjà plus de 500 émissions. On reçoit régulièrement des artistes. Je mets en priorité des gens qui sont venus ou qui vont venir. Mais il y en a d'autres qui sont venus depuis plus longtemps et qu'on a tendance un petit peu à oublier un petit peu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je les ai remis à l'honneur. Donc, des artistes avec lesquels on avait fait des bonnes émissions, et donc j'avais envie de réécouter à nouveau leurs morceaux. D'ailleurs, on a commencé avec les Broken Arms, un groupe qui n'est jamais venu dans l'émission Mavrika. On a des contacts, il va falloir qu'on programme une petite date pour qu'ils viennent nous présenter leurs morceaux. Le morceau qu'on a écouté, c'était l'Horizon. Juste après, c'était les Shaky Metz. Eux, ils sont déjà venus plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Notre ami Francis, d'ailleurs, devrait revenir dans pas longtemps, puisqu'il m'avait dit qu'il aimerait bien refaire des émissions avec moi, et pas forcément avec son groupe, hein, donc les Shaky Metz. Le morceau qu'on a écouté, c'est All Inclusive. Alors, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, donc tout est All Inclusive, hein. Vous avez rien à payer, c'est comme ça. Voilà. Juste après, on a écouté aussi le morceau là de rock progressif, on pourrait dire qualifier ça comme ça, je pense, hein. Donc c'était un instrumental, c'était le groupe Esprit d'Escalier qu'on a reçu aussi il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans une émission Mavrika. Le morceau qu'on a écouté, c'est Synesthesia. Juste après, le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, hein, c'était les Sukhoi Fever avec Your Fine World. Donc les Sukhoi Fever qui étaient venus il y a déjà pas mal de temps, on a eu la chance de les avoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on va, comme d'habitude, avoir des artistes qui vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à partir de la semaine prochaine. On va commencer comme ça. Alors je prends mon petit agenda sur mon téléphone, ça sera plus simple parce que j'ai une mémoire un petit peu de poisson rouge. Alors vendredi prochain, ça je m'en souviens, c'est Alex Lebaille qui reviendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il était déjà venu pour une première émission. Il est venu aussi dans l'émission de la Jarry parce que comme il les connaissait bien, on leur a fait une petite surprise. Et là, il nous prépare des choses qui va nous interpréter dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc des moments de live. Et puis on va discuter de la continuation de sa carrière, bien entendu. Le 13, il n'y aura pas d'émission de Mavrika, c'était prévu déjà depuis pas mal de temps. Donc j'ai autre chose de prévu, donc je ne pourrai pas être là. Mais je serai là le 20 avec The Jig, donc un groupe de la région orléanaise que nous allons découvrir. C'est la première fois qu'ils viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc c'est un super moment qu'on va passer ensemble. Le 27, c'est le retour de Elsia. Voilà, je vous le dis depuis pas mal de temps. Et à chaque fois qu'on me diffuse un morceau dans l'émission Mavrika, j'ai toujours des retours. C'est vachement bien tout ça. Bah oui, c'est bien. Vous croyez quoi? Les meilleurs artistes de la région orléanaise, ils passent dans l'émission Mavrika, hein, forcément. Donc, on arrive à la fin du morceau. Et puis, j'ai pas fini de présenter tout. Donc, le vendredi 3 février, ça sera les Brunettes. Le 24, ça sera Anaïs from Paris. Au mois de mars, on recevra le 3, le groupe Ombrage. Et là, c'est décidé, le groupe Full System sera avec nous le vendredi 10 mars 2023. Voilà pour les dates. Si vous avez un groupe et que vous avez envie de passer dans l'émission Mavrika, n'hésitez pas. Et là, on va écouter tout de suite un autre groupe qui s'appelle les Halls 2.0, qui était venu il y a pas mal d'années déjà dans les studios. Et le morceau, c'est My New Neighbor. fearless, so stop running to me. All I ask for is company. I'm dying here, but no one cares. I don't want to react, but I'm being bad. I'm being dead, but you got it done. It's God, I can't man. Stop being so mean. This guy is a psycho. I'm dying paranoid. It's a long way from this, I'm a genius. Les Olds 2.0, on écoute les Bad Chip avec une histoire de cœur brisé, Broken Heart. Juste après, on écoutera le groupe Chaos avec le titre que j'adore qui s'appelle Jerry. Et juste après, deux patientes avec In Your Box. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Yeah. despite every day. Jerry knows he's old. Never share your dreams. It's better being alone than being nice one day. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas écouté, du moins ensemble, parce que c'est vrai qu'on l'a pas diffusé depuis quelques temps déjà dans l'émission Maverica, le groupe Chaos avec le titre Jerry. Juste après, on écoutera The Patient avec In Your Box. Voilà. Alors, mon petit plaisir aussi dans l'émission Maverica, c'est quand vous mettez des petits coucous sur le Facebook de l'émission Maverica. Allez-y, je vous y rejoins, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Got a love box, don't you know? You got a feeling mode, you were fine. I know you'd be afraid, you don't want to be the loss. Guess you will know, but you're fine. You don't want to be alone, you don't want to be alone. You don't want. Feel regrets and doubts. I do you right if you wanna see before, but you can't. I just might you call before. You better feel the drama thing before you could engage and play. Only one roll of your teeth and get into this loving thing, 'cause you know it goes soon. Yes, you know it goes soon. You don't want to be alone. You don't want to be alone. You don't want to be alone. And you won't. We'll be right back. Patient, voilà, un artiste qui se fait un petit peu rare à mon goût dernièrement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est venu déjà plusieurs fois avec plusieurs projets dans l'émission Mavrika de Patient. Moi, chaque fois que j'écoute ses morceaux, bah, je sais pas, ça me fait dresser les poils. Je sais pas si ça vous fait la même chose. En tout cas, il a une sensibilité dans sa manière de chanter. Le morceau, c'est In Your Box. Juste après, Alex Lebaille, avec qui on commencera l'émission Mavrika le 6 janvier, donc pour commencer de l'année. Le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Le Tourment. Et juste après, on écoutera Willy avec Je suis libre. Comme disait Alberto tout à l'heure, j'espère que pour 2023, on sera encore plus libre. Ce matin, comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme ma clé. Mes sentiments, amour imparfait. Quand tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce, un seul geste, un regard, je cherche des réponses. Cette semaine, comme toutes les semaines, j'y repars éteint, j'entends les sirènes, un seul mot d'ordre, une seule vérité, ce que je trouverais pas ça, ma réalité. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce, un seul geste, un regard, je cherche des réponses. C'est ça. Des années, même entouré, je me sens isolé. Mais j'avance seul dans le brouillard. Aucune chance face à ce miroir. Tu m'as bien vu ce soir. L'accusé qui dénonce, un seul geste, un regard. Je cherche des réponses. Tu m'as bien vu ce soir. L'accusé. enfin je suis libre. Je suis libre de toi. Je suis libre. Je suis libre de toi. Comme si on voulait changer le cours de l'histoire. On voudrait tant tout connaître et tout savoir. S'imaginer un instant en posséder le pouvoir. D'un ciel sans nuages, changer d'atmosphère pour vivre mieux et même davantage, n'avoir d'autre but que celui d'atteindre la cible. Comme on dit à cœur vaillant, rien d'impossible, et juste avec un peu de chance, juste avec un peu de chance. Quelques mots, quelques images, pour qu'à l'heure du grand départ, on les emporte dans nos bagages. Regardez au loin en se disant qu'ailleurs, tout peut être différent, à défaut d'être meilleur. Et juste avec un peu de chance, juste avec chance, juste avec un peu de chance, pour faire pencher la balance. Un peu de chance, un peu de chance, un peu de chance, pour faire pencher la balance. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, juste un petit peu de chance pour l'année 2023. En tout cas, je vous le souhaite à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous contactent aussi sur Facebook. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à envoyer un petit j'aime. Simplement, regardez le programme de l'émission avec tous les artistes qui sont programmés donc jusqu'à 22h. On a écouté tout à l'heure Willy avec Je suis libre. Il était venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était aussi le chanteur, la voix de Black Inside, un groupe que nous avions reçu avant. Juste après, ça sera Yavanna avec La course contre la montre et les Ladybirds avec This is my harbor. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Je repense à nous, à ce premier baiser, un rayon. chercher. Je croyais que l'amour pouvait te sauver. J'ai besoin d'aide. Oui, je l'aime, mais je manque de temps. encore un morceau qu'on a beaucoup de plaisir à réentendre. C'est les Lady Birds. Ils étaient venus il y a déjà quelques années. Le groupe malheureusement n'existe plus, mais en tout cas nous a laissé ce superbe enregistrement. Ça s'appelle This Is My Harbor. On a tous besoin d'un port, et le port ce soir c'est sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Morica. On est ensemble jusqu'à 22h, et juste après on va écouter Jéronyme avec Sweet Love, et juste après RN20. Ça s'écrit 20 VIN, hein. Premier rendez-vous, hein. C'est pas du tout compatible avec la route nationale, en tout cas. De notre ami, tout à l'heure j'ai un peu hésité entre Jéronyme, non c'est Séronyme, Jéronyme c'est Geronimo l'Indien, mais là c'est Séronyme l'artiste. Il n'est autre que celui qu'on connaît aussi sous le nom de Chris, qui nous avait fait des superbes chansons et qu'on aurait beaucoup de plaisir à retrouver dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tu reviens quand tu veux, Chris. Alors explore les le désir que l'on croyait enfoui, le secret que la nuit est là-bas. L'amour, hélas, est volatile, s'évapore aux aurores. Une sirène, une fumée d'usine, sur un battement de cils, tu t'envoles. Embrasé, le vent qui se lève. S'appelle RN20 et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Premier Rendez-vous. C'est pas la première fois qu'on les passe dans l'émission Mafrica, mais ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Juste après, un truc que j'aime beaucoup, ben, on en parle après. Voilà, je pense que vous avez reconnu le titre, hein. Il s'agit de La Sentinelle et c'est interprété par Luc, qu'on n'a jamais eu la chance de rencontrer dans l'émission Mavrica, malheureusement. Mais bon, s'il nous écoute, il peut toujours venir, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, c'est un morceau qui était repris aussi assez souvent dans les concerts par nos amis de Red Daff. Et ce qui nous vient à parler de Red Daff, justement, puisque c'est le morceau qu'on va écouter juste après. Alors, on revient au premier album et cette fois-ci, on retourne avec un des standards, une référence, le morceau qui s'appelle La Claque, les Red Daff. Et puis on s'en prend des sacrés claques et c'est ce qui a été le cas lorsque j'ai écouté la première fois justement ce groupe, le groupe Red Daff. Salut à tous, on est La Jarry. Et tu sais quoi, si on s'en faisait une petite pour Albino, on écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrica. On n'a pas le choix. Allez Mavrica. On n'a pas le choix. choix. Payer l'essence trop cher, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt, on n'a pas le choix. Pour aller au boulot, on n'a pas le choix. Se dire que tout va bien, on n'a pas le choix. Et prendre la vie comme elle vient, on n'a pas le choix. Le groupe La Jarry, et si on a le choix d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit de les écouter puisque c'est un groupe qu'on adore. Et d'ailleurs il y aura un événement au mois de d'avril avec le groupe La Jarry, on en reparle d'ici là, de toute façon il n'y a pas de souci. Et donc ils seront en concert sur la région orléanaise, ça sera à l'Alliage à Olivet. We'll be right back. qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Voilà, le groupe Custom, un groupe qui était prévu pour le Maverick Live qui a été annulé à cause du Covid. On va leur reproposer de venir jouer, donc ça sera le 10 juin, le prochain Maverick Live. Ça, le rock des origines, rockabilly de Oregon Gamblers avec Sleep Rock and Roll Rock a Baby. Voilà, c'est tout à fait un titre rockabilly. Juste après, bon, on reste un peu dans le même style. Je sais pas où est-ce qu'on en est exactement dans le cycle de la lune. En tout cas, Phil et Tom Trio sont avec la Full Moon, donc la lune pleine, la pleine lune. On va écouter un petit morceau qui a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission 529. C'était les Jesus Whiskey, voilà, tout simplement. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Run Through the Jungle. Voilà, là, c'était du live, hein, ils accordent leurs instruments tout simplement. Ça va partir. blues, les Blues Factory, un groupe que j'ai eu la chance de recevoir ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel à plusieurs reprises et de les voir aussi sur scène parce que franchement ça envoie bien. Je crois qu'en ce moment ils sont un petit peu en stand-by. En tout cas, le morceau qu'on a écouté, c'est avec beaucoup de plaisir I've Got My Mojo Working. Juste après, on va écouter un autre groupe qui était venu dans les premières émissions de Marika. Il s'agit du groupe Ice Cream et le titre qu'on va écouter, on l'a déjà diffusé la semaine dernière, mais on l'écoute avec beaucoup de plaisir, c'est Ballerina Girl. Juste après, ça sera Prisma avec pour changer de rock now, on écoutera Lust for Life. Quel musicien, le groupe Ice Cream. I'm peine des rues comme jour. N'ayant plus de lunettes cage, ma last tenue de true. My life before. Quelle pêche. Le groupe Warm Up, mais bon, je vous en parlerai après. Donc là, c'est le groupe Prisma, justement, avec le dernier titre de leur EP, qui s'appelle Lust for Live. Voilà, je cherchais le nom. Alors justement, ils seront en concert au Creek Fest. Ça sera exactement le 8 avril, et ça se passe à Cléry-Saint-André, et il y aura donc le groupe Prisma, il y aura le groupe Warm Up, dont je parlais tout à l'heure, qui est déjà venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc c'est l'occasion de voir ces deux groupes-là en même temps, et découvrir aussi le groupe Earthline. Donc ça sera le 8 avril, et le 1er avril justement, c'est le concert que je vous avais dit tout à l'heure, avec le groupe Lajari à l'Alliage, à Olivet. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica, et on continue à écouter de la musique. On a les clés de la radio jusqu'à 22h. vraiment de nouvelles de ce groupe, hein. C'était le groupe Astral Tears. Ils étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a déjà quelques années et ils avaient aussi participé à un Mavrika Live. En tout cas, ce sont des virtuoses. Je me souviens que le bassiste avait une basse à 6 cordes et le guitariste une guitare à 10 cordes. Donc imaginez le nombre de cordes que vous entendez là dans cette musique. Et puis, quelle voix et quel expert au niveau de la musique, hein. Franchement, un très bon groupe. Le groupe, donc je rappelle le nom, c'est Astral Tears et le nom c'est Back to Life, retour à la vie. Voilà, on va continuer avec le groupe Neutral, un morceau qui s'appelle Hide Again. Nous avons passé avec le groupe Neutral, découverte de l'année 2022. Il y en aura d'autres en 2023. On va recevoir encore plein de groupes. En tout cas, Neutral avec le morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelle, voilà, Hide Again. Juste après, on va retrouver les Corrosive System. Ils étaient chez nous il n'y a pas très longtemps et ça parle d'un sujet très, très grave. Je dirais même, il s'agit de féminicide. Tu pasas montando. n'est pas mort, le métal n'est pas mort, Punk is not dead, ce sont nos bienveillants Corrosive System avec un titre vraiment grave, et ça s'appelle le Féminicide. Et juste après on va calmer un petit peu les décibels avec un groupe qui était venu il y a très longtemps, le groupe n'existe plus malheureusement, c'était les petits jeunes, et puis ils avaient beaucoup de talent, d'ailleurs ils sont dans d'autres formations aujourd'hui. Le groupe s'appelait Piovra, et on va écouter Flying Memories, et juste après ça sera No Sign of Thing avec One Night Long. Je pense que ça sera peut-être pas ce soir, mais demain en tout cas on va passer une nuit à faire la fête, hein, n'est-ce pas? Avec Flying Memories, voilà, ils étaient tout jeunes. Aujourd'hui, ils ont sûrement mûri, hein. Puis ils font partie d'autres projets aussi. Donc, s'ils nous écoutent et qu'ils ont envie de venir avec leur nouveau projet, il y a pas de souci. Le groupe qui vient juste après, c'est No Sign of Thing. Eux aussi, je les ai connus très jeunes. C'était dans les premières émissions de Mavrika. Aujourd'hui, eux aussi ont mûri. Ils sont dans d'autres projets. Donc, on continue de suivre de toute manière. Le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est One Night Long. Et après, on continuera avec Miles Zell et Upside Down. Vous verrez qu'il y a un rapport entre les deux. Son Africa et profitez-en, il nous reste plus qu'une petite heure. I've been bitter. Alors vous avez trouvé le rapport entre les deux morceaux, donc deux morceaux qui ont des styles différents, hein, No Sign Nothing avec One Night Long, et à l'instant c'est Miles L avec Upside Down. Bah, tout simplement c'est la même chanteuse, hein, c'est Melody, donc vous pouvez la retrouver même dans d'autres projets. En attendant, elle a une très belle voix, et puis on continue de suivre donc ces artistes. On va continuer avec Drive to Amnesia avec Away. C'est parti tout de suite, un son électronique aussi. We'll be right back. Some say horrors sleep too long. Shadows turn on a bone cold drums. Time exposure, hold down. Iron curtain, a rich shed on the ground. No doubt about it, let's learn. Let's go. Jamais, jamais, jamais, que la route tourne. Écoutez ça, c'était un morceau enregistré dans l'émission Mavrika, c'est un live Mavrika, c'est vraiment, ça sort bien en plus. Hein. Voilà, tout simplement, je suis en train de regarder un petit peu la liste et puis je m'aperçois que justement il apparaît pas dans la liste que j'ai mis sur internet. Donc je vais rectifier ça assez rapidement. C'est le groupe de l'année avec 4h11. Voilà. Merci. Yeah. regarde la pendule et je vois qu'il reste plus qu'une demi-heure dans l'émission Mavrika et une fois de plus j'aurais pas le temps de diffuser tous les morceaux que j'avais prévus. Ah si je pouvais, on passerait la nuit ensemble, vous le savez bien, il n'y a pas de souci. En attendant, on a écouté Drive to Amnesia avec Away, on a écouté Video Kill the Radio Star interprété par le groupe Yeti, les Fatal Pika avec Putinka, je crois que c'est d'actualité, surtout que juste après je vous avais programmé les Chili Dogs avec Let's Go to Moscow. On a écouté aussi les Turn Off avec la valeur de les valeurs de l'enfance. Et juste après, c'était les deux l'année que j'ai proposé tout à l'heure, donc avec le morceau enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika lors de leur passage. C'était le titre 4h11. À l'instant, c'était les Problem Solved avec Making Change. Et après, c'est les Uncle Bikers que nous avons reçus cette année en 2020 avec un titre qui s'appelle Never Come Back. Mais eux, ils reviennent quand ils veulent. Il n'y a pas de souci. Juste après, on écoutera Arnaud Walden avec Another Life. Avec Never Come Back. Je regardais les photos parce que vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika, vous regardez dans photos, vous allez dans les albums, vous avez les albums de tous les invités de l'émission Mavrika pendant l'année 2022 et même vous pouvez remonter quelques années en arrière, hein, beaucoup d'années même d'ailleurs. Et puis je regardais justement leur petite bouille et puis ça me fait bien plaisir de revoir et de repenser à tous ces bons moments passés dans l'émission Mavrika. On est encore ensemble pour quelques temps, tout de suite c'est Arnaud Walden avec Another Life et puis on a encore plein de morceaux à écouter ensemble. on my back. I don't care what is wrong, alright. I just want to live out town. Avec Another Life, juste après c'est Elsia avec No Games. Elle sera avec nous très prochainement le 27 janvier. Elle sera dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va écouter ce morceau, il s'appelle No Games, et juste après on écoutera Sika avec Enjoy. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. projet s'appelle Sika et ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps. Depuis, ça a évolué. Sika Jazz est entouré de superbes musiciens. Franchement, c'est de la superbe bonne musique. J'ai vraiment envie d'aller les voir sur scène. D'ailleurs, il y aura un concert au mois de janvier, hein, si je ne me trompe pas. Donc, soyez aware si vous avez envie d'aller les voir. Et puis, de toute façon, on va essayer de les inviter dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que franchement, je trouve qu'ils ont quelque chose de vraiment original. Et le morceau s'appelle Enjoy. Voilà. Juste après, on va écouter les Full System. Les Full System, ils seront avec nous au mois de mars. Ça sera au mois de mars, donc le 10. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous annoncer aussi un autre rendez-vous. C'est le 17 février avec le groupe Les Oreilles qui saignent. Voilà. On est dans l'émission Mavrica. On continue à écouter de la musique. On écoute L'Heure Bleue avec le groupe Full System. Le groupe Full System qui sera avec nous au mois de mars, donc le 10 mars, il sera ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel à la même heure qu'aujourd'hui, donc à partir de 19h jusqu'à 22h. On arrive bientôt à la fin de cette émission numéro 534. Voilà, il ne faut pas que je me trompe en plus. Hein. Donc la semaine prochaine, vous l'avez deviné, ce sera l'émission numéro 535 et nous recevrons notre ami Alex Le Bay ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. On commencera l'année avec lui, ça sera le 6 janvier, voilà, très bien. Donc je vous ai annoncé un petit peu tous les gens qu'on allait recevoir dans les semaines qui viennent. Si vous avez aussi un projet, vous avez envie de me contacter, le plus simple c'est sur le Facebook de l'émission Mavrika, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur l'adresse mail mavrika@live.fr. Et puis là on continue d'écouter un petit peu de musique. Un des derniers groupes qu'on a reçu dans l'émission Mavrika, c'est le groupe Narcose, et on l'écoute tout de suite. Et puis tout à l'heure je vous dirai au revoir, et puis on arrivera à la fin de cette émission. Voilà, c'est comme ça. souffle le cours de combattre les ombres du passé, de mon passé. Il y a des fantômes qui courent, ils dansent avec ma peur et mes regrets. Endors-toi mon bel amour, tous ces fâcheux, je les ferai valser. Et sur la lune claire, t'auras mené pour notre danse, moi les mots de la terre, un truc léger sans importance, loin de tous ces grands airs. Naufrages invisibles, des mers de silence s'égarer. Il y a des étoiles futiles, je me suis perdu dans leurs reflets, pauvre mirage. Mais je bénis les jours de pluie et les lieux où l'on peut s'en abriter. Tous ces moments de rien où le ciel semble vouloir nous exaucer. Et sur la lune, prendre congé de vous, donc l'émission Maverika arrive à sa fin. Alors ce que je vais vous souhaiter, c'est de passer une très bonne fin d'année, de faire la fête demain, vous oubliez tout ce qui se passe, tous les problèmes du monde et tout ça, en espérant que l'année 2023 sera bien meilleure. On aura le temps la semaine prochaine de vous souhaiter une très bonne année. En attendant, on va vous dire comme d'habitude, passez une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne nuit et très bon week-end, très bon réveillon, très bonne fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit, même heure, avec monsieur Alex Lebaille. Voilà, donc cette émission se termine. On écoute à l'instant, c'est Hervé Deroff avec Une autre danse, un titre que je vous avais déjà diffusé la semaine dernière et que j'ai eu beaucoup de plaisir, et d'ailleurs on m'a dit beaucoup de bien, donc c'est pour ça que je le rediffuse à nouveau. Juste avant, c'était les Narcoses, des gars super bien que j'ai reçus il y a quelques temps, avec un morceau qui s'appelle le Schizo Funk Killer. Et juste après, on écoutera les Sugar Cane, Hobo Blues et les RNCs avec You Can Check, et on sera à 22h, donc ça sera l'heure de nous quitter. Voilà, vous êtes dans l'émission Maverika, on reste encore ensemble pendant quelques secondes, et moi je vous dis dès maintenant à très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne année. sans musique serait une erreur. Everything is gonna be alright. Et que le rock and roll soit avec vous. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Durante as próximas 72 horas, principalmente nas regiões do norte e centro de Portugal continental. As previsões apontam para chuva e vento forte a partir de amanhã. A situação deve agravar-se a partir do final da tarde de sábado, no Minho e Douro Litoral, estender